Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Et oui, je suis bien présente parmi vous ce matin, je suis en direct des studios, mais je suis toute seule. Je serai toute seule également tout au long de cette semaine. À noter que la radio est fermée à tous, on suit les mesures de précaution, donc voilà, si vous avez besoin de nous faire passer un message, n'hésitez pas à le faire via mail ou via notre page Facebook. Hein. Lia et moi, on va continuer quand même à travailler. Hein. Alors pour elle, de chez elle. Pour moi, quelques jours dans la semaine à la radio. Sinon, de chez moi également. Donc voilà, on va essayer de faire vivre la radio du mieux qu'on peut. Mais tout en suivant les principes de précaution qui sont à prendre très au sérieux. C'est mon petit coup de gueule du lundi matin. J'ai vu beaucoup d'images hier soir, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors aux informations, de gens réunis tout simplement dehors pour profiter du soleil. Ils étaient tous en masse, réunis les uns à côté des autres. Alors le Premier ministre a déclaré le confinement quasi total, c'est pas pour le plaisir, c'est vraiment que le virus, il est là, il fait du mal aux gens. On peut le voir par exemple en Italie, hein, chez notre voisin, l'Italie c'est juste à côté, et bien voilà, eux ils sont en confinement total, et bien sachez que le confinement total va bientôt arriver en France, hein, faut pas rêver. Si les gens ne respectent pas ces principes de précaution, c'est-à-dire et bien ne plus se voir, certes c'est difficile puisque nous Français on aime bien aller au restaurant, dans les bars et compagnie, mais voilà, prenez soin de vous, faites attention à votre entourage, on fera la fête quand tout ça sera terminé, mais sachez que selon le journal du dimanche, eh bien la région Grand Est, c'est nous, hein, eh bien on va passer normalement en confinement total, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus du tout sortir de chez nous. Eh oui, hormis pour aller faire des courses comme en Italie. J'ai une amie qui vit là-bas. Et ben sachez que c'est pas le fun, hein, il commence vraiment à en avoir marre. Donc voilà, prenez soin de vous, faites attention et écoutez ce qu'on vous dit. Restez chez vous. Allez, on va faire la matinale. Nous, on va quand même passer un bon petit moment. Mais voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, j'avais besoin de vous faire passer ce message aussi. C'est très important. Allez, aujourd'hui, en ce 16 mars, nous souhaitons une bonne fête au Bénédicte. Le dicton nous dit « Le temps de Saint-Bénédicte, de tout le printemps, les jours édictent ». Pas de célébration et dans les événements qui se sont déroulés un 16 mars 1831, parution de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 1946, départementalisation de la Guadeloupe, Martinique, Guyane française et de la Réunion. Allez, on fait une première pause musicale avec Gesh Paty et son titre Étienne. Voilà, c'était Gejpati avec son titre Étienne sur RGM. On passe aux anniversaires. Ils sont nés un 16 mars 1946, naissance de Gejpati, chanteuse française. 1949, naissance d'Eric Estrada, acteur américain, connu pour son rôle de Francis Levlin Poncherello, alias Frank, l'un des deux personnages principaux de la série télé Chips. C'est également l'année de naissance de Victor Garber, acteur canadien, connu pour son rôle de Thomas Andrews dans le film Titanic, vu également dans le film Argo, la série télé Alias dans le rôle de Jack Bristow, la série Flash dans le rôle de Martin Stein alias Firestorm, où il apparaît dans 11 épisodes avant d'avoir le rôle principal toujours avec ce personnage dans la série Legend of Tomorrow, et il apparaît également dans un épisode de Supergirl et un épisode de Arrow. 1953, naissance d'Isabelle Huppert, comédienne française, vue dans César et Rosalie, Les Valseuses dans le rôle de Jacqueline, La Dame aux Camélias dans le rôle d'Alphonsine Plessis, Madame Bovary dans le rôle d'Emma Bovary, La Cérémonie dans le rôle de Jeanne Marshall, récompensée du César de la meilleure actrice, La Pianiste dans le rôle d'Erika Coote et Huit Femmes dans le rôle d'Augustine. 1964, naissance de Patty Griffin, auteure, compositeur, interprète américaine. C'est également l'année de naissance de Gore Verbinski, réalisateur américain qui l'on doit Pirates des Caraïbes, La Malédiction du Black Pearl, Pirates des Caraïbes, Le Secret du Coffre Maudit ou encore Pirates des Caraïbes, Jusqu'au Bout du Monde. 1965, naissance de Christiana Reali, comédienne brésilienne d'expression française, vue au cinéma dans Un homme et son chien ou encore Camping 3, mais connue surtout pour ses rôles à la télévision, notamment dans la série Terre Indigo dans le rôle de Constance, Scène de ménage, Cain, Les Bracelets Rouges dans le rôle de Sylvie, la mère de Clément, qu'on peut actuellement voir à la télé puisque Les Bracelets Rouges ont fait leur grand retour la semaine dernière. Vue dans la saison 4 de Nina dans le rôle de Suzanne, et elle apparaîtra dans la saison 10 de Clem, mais son rôle pour l'instant est inconnu. 1967, naissance de Lorraine Graham, actrice américaine, vue dans Babysitter, Evan Tout-Puissant, la série télé Gilmore Girls dans le rôle de Lorelai Gilmore ou encore Parenthood dans le rôle de Sarah Braverman. 1971, naissance d'Alan Tudyk, acteur américain, vu dans iRobot, Dodgeball, même pas mal, En Clock, Mode d'emploi, Transformers 3, La face cachée de la lune dans le rôle de Dutch, Le labyrinthe, La terre brûlée dans le rôle de Marcus ou encore la série télé Aristide Development dans les saisons 2 et 4 dans le rôle de Monsieur Ville. 1974, naissance d'Anne Charrier, actrice française, vue dans Marseille de Cadmera dans le rôle de Valérie, Just Gigolo, la série télé Crime, La Crime dans les saisons 7 et 8 dans le rôle du lieutenant Nina Lefebvre, RIS, police scientifique, Mes amis, mes amours, mes emmerdes dans les saisons 1 et 2 dans le rôle de Nathalie ou encore plus récemment dans Peur sur le lac dans le rôle de Manon Carrère. 1977, naissance de Monica Cruz, actrice espagnole, connue pour son rôle de Sylvia Jauregui dans la série télé Un Dos Tres. 1978, naissance de Brooke Burns, actrice américaine, connue pour son rôle de Jesse Owens dans la saison 9 de la série Alerte à Malibu, vue dans Les Experts Miami, Drop Dead Diva ou encore Melrose Place Nouvelle Génération. 1986, naissance d'Alexandra Daddario, actrice américaine, connue pour son rôle d'Annabeth Chase, fille d'Athéna dans Percy Jackson, le voleur de foudre, et Percy Jackson, la mère des monstres, vue également dans le film San Andreas dans le rôle de Blake ou encore Baywatch, Alerte à Malibu dans le rôle de Summer Queen. Et on termine les anniversaires en 1993 avec la naissance de Marine L'Orphelin, qui fut Miss France 2013, étudiante en médecine. Pardon. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Patty Griffin et son titre Up to the Mountain. I went up to the mountain because you asked me to. Up over the clouds to where the sky was blue, I could see all around me everywhere. I could see all around me everywhere. Sometimes I feel like I've never been nothing but tired, and I'll be working till the day I expire. Sometimes I lay down. Just over the mountain, a peaceful valley few come to know. I may never get there ever in this lifetime. Patty Griffin, Up to the Mountain sur le 107 FM. Il est un peu plus de 8h46 et on fait un point sur la météo. La météo. Ce sera une journée ensoleillée, principalement avec des nuages cet après-midi. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Mardi, des nuages avec un peu de soleil. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 14 et 16 degrés prévues pour mardi après-midi. Et mercredi, belle journée ensoleillée. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin, entre 15 et 17 degrés prévues pour mercredi après-midi. Allez, on file faire un point sur l'actu sportive. Et oui, il y en a encore. Les résultats sportifs. Mais je dois vous avouer qu'à mon avis, c'était la dernière actu sportive avant un bon moment, puisqu'il n'y a plus du tout de sport actuellement. À noter qu'en rugby, la Fédération française de rugby suspend toutes les compétitions. En football, la Fédération française de foot a suspendu la Ligue 1, la Ligue 2. Le report de la Ligue de champions et de l'Europa League, la décision devrait tomber demain, je crois, mais on se dirige tout simplement vers un report. En hockey sur glace, suspension également de toutes les activités et compétitions. Le championnat des deux est donc pour l'instant suspendu. Alors, est-ce que la demi-finale d'Épinal aura lieu ou pas? Eh bien, affaire à suivre. En handball, le tournoi de qualification olympique prévu au mois d'avril a été repoussé. Qu'est-ce que je dois vous annoncer ce matin? Eh bien, que Nathalie Péchala a été élue présidente de la Fédération française des sports de glace. Et les derniers sports qui avaient lieu ce week-end, c'était encore du biathlon en Finlande à Kontiolahti. Alors l'étape a été réduite, hein. On a eu les sprints et les poursuites, malheureusement les relais de dimanche ont été tout simplement annulés, mais il s'est passé beaucoup de choses à Kontiolahti, avec notamment sur le sprint féminin, la victoire de Denise Herrmann devant Preuss et Thierry Lecoff, la très belle 8e place de Chloé Chevalier, 11e place pour Julia Simon, 13e place pour Célia Aymonier, 17e place pour Justine Brezaz, 33e place pour Caroline Colombo et 42e place pour Anaïs Bescon. C'était vendredi. Et vendredi soir, Martin Fourcade a fait une annonce sur les réseaux sociaux qui en a pris plus d'un par surprise. Tout le monde pensait qu'il allait continuer peut-être jusqu'aux Jeux Olympiques. Eh bien non. Le meilleur biathlète au monde a tout simplement annoncé vendredi soir sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière. Alors depuis, de nombreux messages ont été publiés sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage et rendre hommage également à son immense carrière. Donc samedi, il disputait ainsi sa dernière course. Samedi, nous étions le 14 mars 2020. Et bien sachez que Martin Fourcade avait remporté sa première victoire en Coupe du Monde le 14 mars 2018. Voyez-vous un signe ou pas ? Eh bien, 10 ans après, jour pour jour, Martin Fourcade a remporté la poursuite, messieurs. Il signait ainsi sa 83e victoire en carrière. Donc voilà, comment terminer ? Eh bien, tout simplement par une victoire de la plus belle des façons. Et en plus, il y a eu un podium 100% tricolore avec la 2e place de Quentin Fillon-Maillet, la 3e place d'Emilien Jacquelin. Martin Fourcade avait une petite chance de remporter le gros globe de cristal. Fallait que Johannes Bø termine au-delà de la 4e place. Le Norvégien en a décidé autrement. Il s'est classé 4e de cette poursuite. Vous l'aurez donc compris, le Norvégien remporte le gros globe de cristal. 2 petits points devant Martin Fourcade. Pour les autres Français dans cette poursuite, la 11e place de Fabien Claude, la 12e place de Simon Détieux et la 19e place d'Antonin Guigonna. Alors pour les petits globes, Martin Fourcade remporte celui du sprint et également celui de l'individuel. Le petit globe de la poursuite a été remporté par Emilien Jacquelin et celui de la Mastart par Johannes Bø. La poursuite féminine a été remportée par Julia Simon. Martin Fourcade remportait sa dernière victoire en carrière. Et bien Julia Simon, quelques heures plus tard, remportait sa première victoire en carrière. Elle devance la Suissesse Célina Gasparin et l'Italienne Lisa Vitozzi. 14e place pour Célia Aymonier, 17e place pour Anaïs Bescon, 21e place pour Justine Brezaz, 34e place pour Chloé Chevalier, 45e place pour Caroline Colombo. A noter la 4e place de la Finlandaise Kaisa Makarinen, qui elle aussi a annoncé la fin de sa carrière. Et lors de cette poursuite, Dorothea Wierer s'est fait peur, mais elle termine juste devant Thierry Lecoff, ce qui permet à l'Italienne de remporter le classement général à 7 points devant la Norvégienne Ekoff. A noter que 2 Françaises sont dans le top 10 du classement général. La 8e place pour Julia Simon et la 9e place pour Justine Brezaz. A noter que le petit globe de l'individuel est remporté par Anna Heuberg, celui du sprint par Denise Herrmann, celui de la poursuite par Thierry Lecoff, celui de la Mastart par Dorothea Wierer. Le classement des relais, victoire incontestée de la Norvège, qui remporte le classement des 3 relais. A noter que la France termine 2e sur le classement du relais messieurs et du relais mixte et 4e sur le relais féminin. Et qu'en Coupe des Nations, ça a été remporté également là aussi par la Norvège. Mais la France est 2e de ce classement chez les hommes et 3e chez les dames. Voilà pour l'actualité sportive. Et comme je vous le disais, à mon avis, ce sera les dernières informations que je vais vous communiquer à propos de sport avant un très bon moment. Allez, tout de suite, on va faire une dernière pause musicale et on s'écoute Soprano à nos héros du quotidien. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si vous saviez combien vous avez changé ma vie, sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Combien de fois ai-je voulu tout foutre en l'air? Je n'ai